and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Music and the City, votre hebdomadaire musical sur Fadjet, chaque lundi soir de 19h30 à 20h et sa rediffusion le samedi de 18h30 à 19h. Une émission de partage, de voyage et de découverte musicale. Et ce soir, une programmation francophone avec des artistes qui vous ont fait chanter, d'autres qui vous feront danser et certains qui vous feront rêver. 5 artistes, 5 titres. On débute avec Jonathan Cerrada, le gagnant de la première saison de Nouvelle Star, que vous avez redécouvert l'émission précédente, avec un titre en indonésien. Ce soir, le jeune homme a beau vivre à l'autre bout de la planète, il a toujours su garder les pieds sur terre, comme en témoigne sa chanson « Rien ne me changera ». Une chanson qu'on a découverte en 2003 sur son premier album. Et c'est tout de suite dans Music and the City. Bonne écoute, on est ensemble jusqu'à 20h. Music and the City sur Fadjet. non, mais je rêve. Mais comment j'ai pu passer à côté de ce duo bourré de talent? J'ai découvert les Cassandres lors d'une première partie de concert il y a quelques années déjà, et je dois dire que sur le coup, j'ai trouvé le duo sympathique. Bon, sans plus. Mais avec du recul, ayant revu récemment quelques prestations sur Internet, bah j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour vous en parler ce soir. Pierre et Flo sont les deux jeunes artistes qui composent le duo Cassandre et jouent sur la scène de la variété pop, tout simplement. Connus du grand public par leur passage à X-Factor sur M6 il y a déjà quelques années, leur reprise de Alejandro de Lady Gaga avait été à l'époque un véritable succès salué par les téléspectateurs. À tel point qu'il a suscité l'engouement de ce public et s'en est suivi deux albums produits sur la plateforme My Major Company, plateforme de financement participatif qui a notamment fait connaître Grégoire. Un vrai conte de fées pour les deux jeunes amis qui préparent justement actuellement un nouvel album à paraître cette année. Et c'est avec le titre « Non mais je rêve » que je vais vous faire apprécier ces deux éphèbes qui composent Cassandre. Elle est pas belle vu comme ça notre mythologie. Music and the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. L'artiste qui suit est un ovni dans le paysage musical français. Surnommée Cosmic Girl, Isa Ferrer s'est surtout fait un nom dans les années 90 en interprétant le rôle de Nadia dans la série de France 2 Seconde B. Aujourd'hui, c'est aux commandes de sa propre maison de production musicale qu'elle propose depuis une dizaine d'années déjà des albums plus dingues les uns que les autres. Si son futur projet musical porte déjà le nom de code XYZ, Isa Ferrer a déjà pas moins de 5 albums à son actif. Si vous n'avez jamais ou peu entendu ses tubes, c'est tout simplement parce qu'elle est très peu médiatisée en France. Pourtant, superstar dans les pays de l'Est et notamment en Russie, où son single Made in Japan, sorti en France en 2003, a trouvé un véritable succès au pays de la vodka. Un succès qui a permis à la chanteuse française de se produire en ouverture des Muse TV Awards, l'équivalent russe des MTV VMAs. Alors moi, personnellement, j'attends le prochain album et un prochain concert sur Paris avec une impatience de gosse. Et pour ça, je vous propose sans attendre de découvrir ou de redécouvrir le tube Made in Japan, un titre vraiment très rock qui va nous réveiller un peu sur Fatjet avant de passer à table. We'll be right back. les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Ce n'est pas un hasard si je vous parle de lui aujourd'hui, car son premier album est sorti il y a déjà 28 ans. Thierry Hazard, c'était le bon copain des années 90, qui proposait des titres post-pop à vous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Et avouez que si je vous demande si vous avez déjà dansé le jerk, bah vous me répondrez en chantant les paroles tout simplement. Chanson culte pour artiste culte, un album lui aussi devenu culte, sorti en 90. Toujours un plaisir de redécouvrir ces sons singuliers et très connotés anglophones. Un jour c'est oui, un jour c'est non, les brouillards de Londres, ou encore la fameuse poupée psychédélique. Un titre où Monsieur Thierry Hazard s'étend sur sa relation amoureuse avec une femme en latex, fantasme de l'être humain, objet et prémisse d'une génération coup d'un soir. Satire de la société des années 90 ou simple vécu, on retiendra surtout un rythme à vous faire exploser les varices tellement on a aimé bouger sur ce morceau. Et à ça, je vous dis montez le son et enjoy avec Thierry Hazard et la poupée psychédélique, tout droit venue de 1990 quand même, c'est pas rien ça. Elle a des bottes extensibles et une ceinture inoxydable, une mini-jupe amovible et un t-shirt biodégradable. Elle a un short réversible et des fossiles interchangeables, un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Elle a une gaine invisible, un rouge à lèvres imperméable, une paire de seins indescriptibles et une paire de jambes interminables. C'est ma poupée, matière synthétique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Spécimen rare, chef d'œuvre unique, mode à l'époque du caisse authentique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Rechargeable, elle est quasiment inusable, elle me fait sauter les fusibles. Elle est entièrement programmable, ses circuits sont infaillibles. C'est ma poupée formidable, c'est mon joujou terrible. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Spécimen rare, chef d'œuvre unique, mode à l'époque du caisse authentique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Délique. Elle est née dans un drugstore, elle suce son pouce quand elle s'endort. Elle collectionne les fleurs en plastique qu'elle cueille dans les champs magnétiques. Elle est née en mai 68, elle s'habille à Carnaby Street. h 30, 20h, Music and the City sur Fadjet. Comme annoncé en début d'émission, il est question ce soir d'artistes francophones. Très souvent, et même à chaque fois dans cette émission, je me focalise sur des artistes en particulier. Et si l'on échangeait les rôles, si on inversait les pôles pour une fois, si on parlait de la plus belle chanson du monde. Et je vais même essayer de vous la faire deviner. Serge Lama l'a initiée. Dalida l'a rendue célèbre. Et Lara Fabian l'a consacrée au firmament. Je suis malade est une chanson torturée où l'amour n'est qu'une goutte dans un océan. La passion qui consume et qui brûle tout aux notes de musique de ce titre. Une version live vous est proposée ce soir par Lara Fabian justement. Une version prenante et qui donne la chair de poule. Je voulais vraiment, vraiment partager ce moment unique avec vous. Bonne écoute de Lara Fabian. Yeah. Music in the City sur Fadjet. Et l'émission se termine avec Lara Fabian, une version live de Je suis malade, la plus belle chanson au monde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, en ma compagnie sur Fadjet. On se retrouve bien évidemment lundi prochain, nous serons le lundi 5 mars avec deux nouvelles chansons, de nouveaux artistes. Et on commencera l'émission avec Isa Ferrer, puisque je vous avais fait découvrir cet artiste ce soir, on la redécouvrira la semaine prochaine. Bien évidemment, nous sommes en rediffusion le samedi à 18h30 sur l'antenne de Fadjet, mais également le podcast sur le Facebook de l'émission grâce à la plateforme Mixcloud. Vous pourrez retrouver l'émission dès demain sur le Facebook Fadjet-Music and the City. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao à tous.